te faire vacciner. Car le Covid, tu sais, il va te tuer. BFM TV, oh oh. C'est Verdez, c'est Ruquier. Comme toi, j'ai entendu tout le monde le dire à la télé. J'allais y passer. Avant la fin d'année. Mais le Covid, il y a en moi. Mon Covid, c'est toi. C'est les filles, c'est tout ça. Mon Covid, c'est tes bras.